بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أسألكما في الكلمات ما توفرمو نشكتنا. أقفل يقفل عندك في عمية نعم متجه الجمارك أمكن يمكن بعض الحصول في المصدر ده حصل يحصل اذا نعم بس ده ça c'est clair le verbe c'est le là c'est le مصدر l'obtention l'obtention voilà فصول on n'a pas trouvé dans le texte ah c'est فصول ouais dans le texte on a lu on n'a pas vu à la base on a dit c'était le terme de fossil en général fossil c'est une séparation ça peut être une saison, ça peut être une classe ça peut être différentes choses et un deck kef tukawin ism fa'il min fi'al aray soulasi comment tu fais ism fa'il d'un verbe autre qu'un soulasi roba'i, khumasi ou soulasi on retire le ya, le mot d'arrière, on met un mime. C'est pas forcément l'ya, c'est la lettre du mot d'arrière. Des fois, ça peut être un hamza, ou un noun, ou un tel. Allez, on met un mot d'arrière. Et on met un mime avec une dhamma. Non. Et à la fois, on termine. Misle. Masalan, arsala. Ma huwa ism fa'il. Arsala. Arsala. مرسلون يمكنك أن تجلس. كم تفهم هذا الفاز؟ يمكنك أن تجلس. نعم نفهم. C'est ce qu'on a fait ensemble. Il a donné deux formes de phrases différentes. La première avec le verbe conjugué et l'autre forme d'une autre façon. Yomukinuka et Tajisa, ça veut dire quoi? Comment tu pourrais le faire? Changer. On a dit quand un y entre dans un verbe, il en résulte quelque chose. Il y a une interprétation. Quelle est-elle? Là, ça, là. Si je te dis Yomukinuka et Tajisa, j'ai eu la même phrase, mais d'une autre version. Comment tu pourrais dire? Yumkinuka Julus. Le fait dans lequel un y rentre, on interprète par son masdar. C'est ce qu'on avait pris là, troisième. Yumkinuka Tachouja, Yumkinuka Tachouj, Yumkinuka Tachoula, Yumkinuka Tachoul. On a dit quoi le 4 Ada Salif Taïeb. Le Moussafir, Yuridou, El Khouloui. Le Moussafir, Yuridou, El Yahouja. On a fait la première ensemble, je crois. En guise d'exemple. Taïeb, Sania, El Moussafir, Yuridou, Hajj, El Makan. والمسافر يريد أن أحجز المكان أن يحجز المكان. نعم. Voyageur, le passager ou le voyageur veut réserver la place. Farifan, Andek. On a pris ça à l'instant. Vous voulez ça et ça. Yahsula. Non, donne-moi que ce soit le ha. Ah, que ce soit, je veux dire. المسافر يريد هذا الزبطان المسافر يريد أن يحصل على التأشير نعم الوياجور obtenir فيزا رابعا المسافر يريد إكمال الإجراءات المسافر يريد أن يكمل Non. Le voyageur veut compléter une formalité. Khamisan. Awalan ikram jumla l'oula. Lis l'exemple, puis ensuite, mets la transformation. Al musafiru yuridu ta'kidal ta'kidal hajj. Al musafiru yuridu an yuwakida. Le passager là-bas, c'est quoi? Vous voulez confirmer la réservation? Et ensuite, le voyageur, le passager, veut la confirmation de réservation. Et après, c'est veut réserver, veut confirmer sa réservation. Ou la réservation, plutôt. Non. C'est Alice? Ailleurs, en Excel? Non, t'as vu de c'est quoi c'est Mazdar, c'est quoi ça? Non, Mazdar. Le Akkada. On l'a cours au début. Al Musafiru Yuridu Muradarat al-Madina. Al Musafiru Yuridu an Yuradira al-Madina. Le joueur veut quitter Medina. Sabian. المسافر يريد الوصول إلى قبرص. المسافر يريد أن يحصل يصل وصل يصل هو بالباء يريد أن يصل ما هو قبرص؟ تنجيش توسكاد أن يصل أن يصل أن يصل المسافر يريد أن يصل إلى قبرص. نعم. Tous ces verbes là, tout ce qui nous met là, ces choses sont déjà passées. C'est là, des fois qu'on fait poser un problème, revenir en arrière et regarder le tableau, le vocabulaire. Vous voyez, par exemple, il y a Wassala, il est, on l'a dépassé, il a dit Wassala, Yassilo. Il vous donne rien de nouveau. Il ne veut pas vous faire de problème. Vous mettre un truc que vous ne connaissez pas. Il veut faire employer ce que vous avez déjà pris auparavant. Vous voyez, bois ça là, attends. Dans quel vers il est, je vais vous retrouver. Quel on l'a pris. J'essaie de retourner, tu vois. C'est comme les mots, il y a plein de mots que Wadda, je vois. Wadda, c'est pareil. Le Wa, où il tombe. Il y a plein de mots, je vois tout ça. J'essaie de retourner en arrière. Ben toi, quand tu as fait le dash aujourd'hui, tu remets au propre tous les mots que tu as pris. Le nouveau vocabulaire. Comme ça, au moins, tu as ton répertoire à toi et quand tu le recherches, tu le retrouves. C'est-à-dire quoi? Toi, tu n'as qu'à recopier tous les mots qui sont dans le kitab pour toi. Ça fait une Waraja et en plus, ça fortifie ta mémorisation. C'est quoi? Alors, généralement, par deux, c'est pour combien? 10 mots. Enfin, le soir, tu les recopies. Pour Dostar, on a pris aujourd'hui ça. Et le jour où tu as un problème, tu retournes à ton Dostar, là où tu as écrit, et tu la trouves directement. Inch'Allah. Crois-moi que tu vas, ça se capite.

خامسا من أين أنت واصل هذه من قادم واصل أنا واصل من الكويت نعم واصل سيد اسم فعل لك الغاب وصل نعم وصل Bon, le 6, on a dit qu'on ne faisait pas. Il était toujours revenu. Il n'avait pas coupé le bouchon. Après, Natroul, qui Mazelna, fil Wahda Thania, fil Ders Echamis. Là, ça faisait partie, qui est de la lecture, Ikara. Al-Kalimat Al-Jadida. On va prendre le mot. Qaddama, yuqaddimu. Et à la base du mazal, c'est taqdiman. J'ai oublié, j'ai pas pris le tableau. Taqdiman. Qaddama, là, c'est présenter quelque chose. C'est un peu le sens que salama, ou tout comme ça, sauf que là, c'est présenter. Voilà. Présenter, c'est-à-dire, je présente mon passeport à l'employé. Je présente mon passeport. Moi, ton passeport, tu me présentes ton passeport. Ça peut être aussi offrir un cadeau. Si tu dis Qaddama hadiya, c'est offrir un cadeau, présenter une offrande. Mais là, ce qui est valable, c'est dire présenter le passeport à l'employé. Fahasa et Yafhaso. Farsan. Tu me rappelles ce que je veux dire ? Fahasa. C'est analyser. Non, examiner, analyser. Contrôler même. Hafila, ça c'est un car, un bus. Hafila, car, bus. Habata Yahbito là ce qu'ils veulent eux c'est l'atterrissage de l'avion à la base c'est descendre de quelque part Kafikul Ta'ala Wahbitu minha jamia Ba'dukum li ba'din adou quand Allah subhanahu wa ta'ala dit à Adam et à Hawa de descendre de la terre du fait que ils écoutaient du shajara voyez il a dit de descendre du Jannah pour aller sur terre. Fahbitu minha jamia. Fahabata. Là, ce qu'eux ils veulent, c'est l'atterrissage. Rakiba. Ah là ? Ouais, c'est sûrement un rôle, c'est un truc. Un mariage ou un truc. Un mariage ? Voilà, sûrement. Rakiba, il y a encore une. Et le mazan c'est Rukuban qui veut dire monter sur une chose pour se déplacer. Être embarqué, monter dans une voiture, monter dans un. Ouais, il est déjà passé. Kadima Yakudumu. Il nous rappelle ce que veut dire Kadima. Kadima, c'est arrivé. Nam. Nazare Enzilou. C'est aussi descendre. Et le mazar, c'est Nuzul. Nuzul. Wadjaha, Yuadjihu, c'est faire face. Et le mazar, c'est Taujih. Ça y est. Faire face, ça peut être aussi donner du tchaïti. Et c'est Maniakra, Lyon, c'est qui doit lire le petit texte aujourd'hui? Voyez. Qadima Mahmoudun de Turquie, on barde un Havatatit Tahiratu, Rakib al-Hafilat al-Matar. Faddal Tajim. Mahmoud est arrivé de Turquie. Non. Après, après la descente de l'avion, il est monté dans le bus du. وحين وصل صالة القدوم نزل من الحافلة فقابل الموظف الجوازة وقدم له جواز السفر وبطاقة الوصول et le moment. Ouais, Sina, ça se fait par au moment où. Lorsque. Lorsqu'il est arrivé dans la salle de Qudum d'arrivée, et il est descendu de la, de, du bus et il a rencontré l'officier de, des passeports. L'équipe de passeport. Ouais. Il lui a présenté son passeport et sa carte de, d'arrivée. Ouais. فحصل موظف الجواز وبعد ذلك وجه محمودا إلى صالة الجمارك إلى صالة الجمارك طلب الموظف أعوان وزيب أخري صلاة دابا الموظف l'officier a analysé enfin a regardé son passeport et après cela il a fait face à Mahmoud. Là en fait là, la face وجه محمودا إلى صالة c'est que l'officier a dirigé Mahmoud vers. Ah non. C'est ce qu'il veut dire par là. Ça n'a la coulac. Wajjiouka il est où là, c'est je te dirige vers là-bas. Moi je te dirige toi vers là-bas. Je t'envoie vers là-bas. Moi je comprends pas. Je comprends pas. Zalika. Bab Zalika après cela. Taïs Michel avant. Wabab Zalika après cela. Wajjaha Mahmoudan, il est salat et Bujama Alik. Il a dirigé Mahmoud vers. La salle des douanes. Donc là, dirigez là. Talab al-Muwazzaf al-Jamarik. Là, ma fille, il faut aller à Muwazzaf. Talab al-Muwazzaf al-Jamarik, min Mahmoudin, an yaftah al-Haqiba. L'officier des douanes a demandé à Mahmoud d'ouvrir son, son bagage, sa, sa valise. Wajada Muwazzaf al-Jamariki. في الحقيبة بعض الملابس والكتب. L'officier de, des douanes a trouvé dans, dans la valise quelques vêtements et livres et des livres. ثم طلب من محمود أن يقفل الحقيبة ويتجه إلى بوابة إلى بوابة الخروج. Ensuite, il lui a demandé, il a demandé à Mahmoud de refermer. C'est plutôt il désira de Mahmoud. De, il désira de Mahmoud qu'il ferme, qu'il cadenasse sa, sa valise, qu'il referme sa valise, et qu'il se dirige vers la, les portes de sortie. Non, pas du tout. Il y a un peu de choses sur le texte ? Non. C'est aussi. Voyons, et là le battantif. C'est quoi? Pourquoi il est un tel? Parce que c'est toi, hein, c'est hier. Le sujet, c'est un féminin singulier. C'est quel féminin? C'est qui? C'est toi, hein. Habata, c'est toi, hein, tout. C'est toi, hein, le sujet. Et Habata, c'est quoi ce nom là? Habata? Oh, je connais pas le nom là. Quand tu es habitué, Hobo, Tak. Est-ce que ça dit Barda Hubout et Tayyar? Non, je pense que c'est Hubout, je ne suis pas sûr. Et il a mis à la dernière ligne Yattaji. Yattajihu, pas Yattajiha. Non, c'est Yattajiha. Ah oui, non. Après, le correct. Allez, c'est comme tu dis Zahabat Fatima. Tayyar, Habatat et Tayyar. Mais là, je ne comprends pas. Parce que là, il n'y a pas de soukoun et je ne sais même pas. La kasra, c'est parce qu'il y a on est entre deux lettres qui vont se rencontrer qui ont de soukoun. Comme on a dit. T'as un lif olem. Donc on met une kasra pour la liaison. Mmh. Mais à la base, c'est une soukoun. Mmh. Oui, donc tout. Oui, on a comme assis là, qui seront à faire pour Yomessep, Yomar Aden, ma fille, Aden Jumwa. Awalen Yakoul, Adib, on est assis là-t-il Adia, répond question suivante. Awalen, min Eina, Padima Mahmoudun, d'où est arrivé Mahmoud. Thanien, Maza, Paddama Mahmoudun, il est le Mouazafil Jawazad. Qu'est-ce que Mahmoud a présenté à l'employé des passeports?